Bonjour, ici Valérie Levé et Marianne Fallard de Côté. Au micro de CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Et oui, on est en avril et il tombe encore quelques flocons de neige, mais les chiffres à l'échelle mondiale ne mentent pas. Le réchauffement climatique est là et le GIEC nous rappelle dans son dernier rapport sorti le 20 mars dernier que nous ne sommes pas vraiment sur la bonne voie pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de plonger dans ce rapport du GIEC. Eh bien, c'est ce que nous ferons en deuxième partie avec Andreas Louis, membre des Shifters Montréal, une association qui œuvre dans le domaine des enjeux énergie-climat et de la décarbonation de l'économie. Mais pour maintenant, on va parler de contamination aux pesticides. Les pesticides sont également une grande préoccupation environnementale dans les rivières au Québec. Je suis en compagnie de Laura Malbezin, qui est doctorante en écotoxicologie au Centre Eau, Terre, Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique, qui est basé à Québec. Laura étudie l'impact des contaminants dans les rivières. Elle a aussi remporté une bourse du programme Dialogue Relève étudiante des Fonds de recherche du Québec pour son projet visant à développer une boîte à chansons scientifiques pour vulgariser, via la musique, des sujets en lien avec l'environnement. Bonjour Laura et merci d'être avec nous. Bonjour Marianne, bonjour Valérie, merci beaucoup pour votre invitation surtout. Ça me fait très plaisir de t'avoir ici au studio. Et pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours, de ce qui t'a amené à faire de la recherche scientifique et plus spécifiquement de l'écotoxicologie? Oui, ben dans le fond, de base, je viens du sud de la France, donc vers Montpellier. Et c'est là où j'ai commencé mes premières années en sciences. J'ai commencé donc ma première année à l'université, mais honnêtement, je ne savais pas trop ce que j'y faisais. Je ne savais pas ce que j'allais y faire. Voilà, mais donc ce qui a beaucoup marqué mon choix de domaine d'études, c'est tout d'abord un projet personnel d'étudiant. On était obligé de contacter une personne qui travaillait dans un domaine qui nous intéressait. Donc ça m'a un peu forcé à réfléchir à ce que je voulais faire. Puis je suis tombée sur je recherchais un peu en écologie. Je suis tombée sur l'écotoxicologie, donc qu'on peut décomposer en écologie, toxicologie, donc l'étude un peu des substances de contaminants dans l'environnement, leur devenir, leur comportement. Mais c'est surtout la lecture du livre « Printemps silencieux » de Rachel Carson, sorti en 1962, il me semble, qui m'a vraiment marquée. C'est un livre qui a été très important là pour le mouvement écologiste, pour l'écotoxicologie aussi. Et voilà, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment la lecture de ce livre là qui m'a mis une claque. Et j'ai donc contacté un chercheur en écotoxicologie microbienne en France qui a accepté de répondre à mes questions. Puis sans le savoir, et ben c'est lui qui a un peu débuté mon envie de continuer dans ce domaine. Donc après avoir fini ma licence, donc baccalauréat ici, je suis de Montpellier, je suis allée à Bordeaux où j'ai fait un master, donc une maîtrise très ciblée écotoxicologie et chimie de l'environnement. J'ai fait un stage où j'ai rencontré mon actuelle co-directrice de thèse, Soazic Morin de l'INRAE de Bordeaux. Puis pour un stage que je cherchais pour finir ma maîtrise, elle me disait si tu veux, je connais une équipe à Québec qui travaille en écotoxicologie, ce que ça te dirait. Et donc c'est pour ça que je suis venue ici à l'INRS, donc, et j'ai fait un stage, puis c'est là où j'ai rencontré notamment mon co-directeur Jérôme Comte, mais aussi évidemment ma directrice de thèse Isabelle Lavoie, et qui recherchait une étudiante pour faire un sujet sur les pesticides et les biofilms des rivières. Donc c'est ça, c'est pas mal les rencontres qui m'ont fait aller dans ce domaine-là. Wow, un mélange de lecture et de rencontres. Exact. De petites étincelles de à gauche, chance. À droite qui font que tu as trouvé ta voie. Puis, dans tes études sur la contamination aux pesticides dans les rivières, tu te concentres beaucoup sur les impacts des pesticides sur les biofilms. Un terme qui pourrait sonner assez jargon pour le commun des mortels, dont moi-même. Pour nous mettre en contexte, peux-tu nous expliquer c'est quoi un biofilm? Oui, ben biofilm, c'est un terme assez générique là. Je pense qu'on a déjà entendu parler, surtout pour parler des plaques dentaires. Mm-hmm. Donc c'est ça, comme le biofilm qu'on a au niveau des dents là. Donc le biofilm, pour une définition assez simple, là, c'est comme un agrégat de plein de micro-organismes. Donc on parle de bactéries, biofilm bactérien pour par exemple la plaque dentaire. Et dans mon cas, j'étudie aussi un biofilm, mais qui est composé aussi d'algues, pour avoir une petite idée là de d'où on peut le retrouver en rivière, à plusieurs endroits, mais spécifiquement, on peut le trouver sur des cailloux au niveau des lits des rivières. Bah, c'est sûrement là où vous êtes déjà allé en rivière, puis vous avez manqué de glisser sur les roches. Et ben, c'est ça, c'est lui le coupable. C'est le biofilm algal, biofilm de rivière, périphytique. Donc il a plein de noms. Mais en tout cas, c'est cette chose un peu, ce film un peu, ce film biologique en fait, visqueux, pas très beau. Mais pourtant qui est ultra important pour les rivières là, pour les écosystèmes aquatiques. Donc c'est ça que j'étudie. Donc spécifiquement, donc c'est ça, c'est comme un agrégat de bactéries, de champignons, d'algues et autres micro-organismes. Là. Ouais, donc si on prenait une loupe pour regarder, ça serait en fait rempli de vie. C'est ce truc qui nous fait tomber dans les rivières qu'on est un peu énervé quand ça arrive, mais au final. Et oui, c'est vivant. Ok, intéressant. Exact. Puis c'est ça, et c'est là où c'est important, c'est que justement, puisqu'il y a des algues, ça veut dire que ce sont des organismes photosynthétiques. Donc, qui dit photosynthèse dit notamment production de dioxygène. Là. Et donc c'est ça. Puis aussi avec des bactéries, tout ça travaille un peu ensemble pour notamment gérer les cycles de nutriments comme le carbone ou encore l'azote. Donc voilà, et évidemment c'est aussi une source de nourriture pour des consommateurs comme des escargots ou des larves d'insectes. Donc ça ressemble vraiment pas à grand chose, et pourtant ça a quand même une place assez basale là, ça rend plusieurs services en fait aux écosystèmes dans ces milieux là. Ouais, c'est ça fait partie des premiers maillons de la chaîne alimentaire des rivières. Okay. Par exemple. Ok, puis le lien avec les pesticides ici, est-ce que tu pourrais nous en dire davantage? Oui, ben dans le fond, dans mon cas, je vais les étés là sur le terrain, sur des rivières qui sont proches de champs agricoles. Et donc dans ces rivières, on retrouve des pesticides. Le MEL, c'est CFP, là, le ministère, justement, fait des suivis de pesticides dans les eaux de surface. Sauf qu'en plus des pesticides, ben, on retrouve donc tout plein de vie, dont le biofilm de rivière. Et donc le lien, c'est que ces pesticides, une fois dans la rivière, peuvent affecter le biofilm. Donc déjà, il peut s'accumuler à l'intérieur. Et ensuite, ces pesticides qui sont à l'intérieur du biofilm peuvent aussi se transférer aux consommateurs de ce biofilm. Mais aussi, ça peut affecter directement les communautés au sein donc de cette communauté d'algues, de bactéries et tout là. Et mettons dans le cas par exemple de pesticides qui affectent par exemple la photosynthèse, eh bien il pourrait avoir une diminution des organismes capables de faire la photosynthèse parce qu'ils peuvent être sensibles à ces composés, et à ce moment-là d'autres groupes d'organismes peuvent prendre le pas. Parce qu'il y a moins de compétition ou autre. Et donc, on peut avoir une modification comme ça des communautés. Or, ces organismes ont des rôles et des fonctions écosystémiques. Et donc, à ce moment-là, on peut imaginer que les pesticides, en modifiant ces communautés, affectent des fonctions dans l'écosystème. Ouais. Donc, un effet boule de neige, au final, qui peut se répercuter sur des maillons supérieurs, des espèces plus grosses, les escargots, on a mentionné, les poissons aussi qui fréquentent ces milieux. Ouais. Oui, un exemple aussi de modification qui pourrait affecter ça, là, c'est dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse aussi particulièrement aux acides gras qui donnent un peu une idée de la qualité nutritive du biofilm pour des consommateurs. Donc les acides gras, bon, on les connaît un peu là, on entend souvent parler des oméga-3, des oméga-6, il y en a certains, par exemple ce qu'on appelle les polyinsaturés, qui sont particulièrement importants pour des fonctions au niveau de la cellule. Et dans le cadre de la contamination aux pesticides, certains des pesticides pourraient affecter les acides gras de ces biofilms. Et donc à ce moment-là, ce biofilm serait de moins bonne qualité pour les organismes qui les consomment. Et à ce moment-là, donc soit les organismes devraient trouver d'autres sources de ces composés, de ces acides gras, ou plus en manger, mais donc ça va limiter la ressource de biofilm. Ouais, avec des impacts potentiels sur les fonctions vitales, si ces acides gras-là ont un rôle au niveau cellulaire. Oui, exactement. Ces acides gras... que ce soit ce qu'on appelle les saturés ou insaturés, jouent des rôles au niveau de la structure des membranes des cellules, mais aussi de signalement cellulaire, mais aussi comme réserve d'énergie. Mm-hmm. Donc ça reste des composés vraiment très, très importants et indispensables, en fait. Oui, j'imagine. Puis est-ce que il peut y avoir des répercussions ultimement, donc on l'a mentionné, sur la santé écosystémique, sur la santé humaine? Est-ce qu'on a une idée des effets dominos que ça peut avoir ultimement, ou on est encore en train de gratouiller les recherches pour essayer de comprendre? Au niveau des effets pour la santé humaine, alors c'est encore un peu délicat là. Mettons que certains pesticides peuvent avoir des effets sur la santé humaine, là on sait. Mais pour ce qui est des pesticides en rivière particulièrement, là où ça peut poser problème, c'est quand, mettons, quand ils sont captés pour de l'eau courante et que le traitement des stations pour la distribution d'eau courante n'a pas réussi à les traiter. Voilà. Et qu'ils arrivent à des concentrations qui sont suffisantes pour avoir un effet toxique. Donc, dans ce cas-là, de manière générale, les filières ont l'air quand même relativement efficaces. Mais ça s'est déjà vu dans certains pays, là, d'avoir des concentrations dans l'eau courante qui dépassent des critères de qualité. Donc là, on a de quoi se poser la question. Là aussi, où la question se pose et où on a aussi beaucoup de flou, c'est sur les effets mélanges. On parle beaucoup d'effets cocktail. En fait, les effets de mélange sont encore relativement peu étudiés et caractérisés. Ce qui se passe, c'est que justement en rivière, on trouve beaucoup de composés différents. Pas que de pesticides d'ailleurs, mais en tout cas plein de natures de pesticides différents. Et on ne sait pas encore comment ils interagissent entre eux et s'ils peuvent avoir des effets, ce qu'on appelle synergiques, ou au contraire antagonistes ou autres. Donc il y a beaucoup de zones de flou encore. C'est ça. Ouais, puis ça doit être extrêmement complexe à étudier, de faire les liens justement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer, on dit en science, de covariables, mais d'autres types de variables qui peuvent influencer ces liens. Donc, c'est dur de commencer à sortir. Oui, absolument. Puis aussi, dans les études en écotoxicologie, il y a aussi toute la question de la représentativité. Plus on essaie d'avoir des expériences qui sont représentatives de l'environnement, plus on est dans des designs complexes. Par exemple, voilà, il y a les études de terrain dans lesquelles on ne contrôle pas grand-chose, mais qui sont ultra pertinentes parce que c'est ce qui se passe dans l'environnement. On met souvent un peu en parallèle avec les études de laboratoire sous conditions contrôlées, où là, on contrôle les conditions, mais à ce moment-là, on peut se poser la question de la représentativité. Il y a aussi... donc, ça peut rester représentatif, évidemment, là, mais ça dépend aussi à quelle échelle on se place. Si on prend des cultures avec une seule espèce, par exemple, ou si on travaille sur les communautés, est-ce qu'on intègre plusieurs maillons de la chaîne alimentaire, c'est ça, idéalement il faudrait travailler sur les mélanges de composés, là, par exemple des pesticides à l'échelle des communautés et sur plusieurs chaînons là, de la chaîne alimentaire idéalement, mais ça demande quand même des ressources non négligeables. En tout cas, il y a pas mal de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. Hein? Oui, c'est ça. Puis, justement, le ministère, rapidement, si tu peux te dire quelques mots là-dessus, mais le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, qui a un très long nom, est en consultation publique pour le développement d'une loi omnibus sur la vente et l'utilisation des pesticides. Est-ce que tu aurais quelques recommandations à formuler ou des réflexions par rapport à ce projet-là qui est en cours? Oui, justement, je suis en contact avec une personne de l'Association des biologistes du Québec, avec qui s'occupe justement de promouvoir la santé de l'environnement, qui essaie vraiment de collecter justement des informations sur cet omnibus réglementaire, donc qui vise à modifier des articles, des règlements sur les codes de gestion de pesticides. C'est ça. Puis donc ce qu'on dit, c'est que c'est une consultation publique, donc c'est quelque chose d'important à mentionner, parce que en soi tout le monde, toute la population pourrait regarder un peu ces textes, s'informer, donc c'est ça. Puis ce qui en est ressorti, c'est que il y a eu des modifications intéressantes là par rapport au règlement, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, notamment dans le choix de molécules à suivre. On se disait de prendre plus en compte des molécules de dégradation, par exemple. Donc des pesticides peuvent donner d'autres molécules quand ils se dégradent. Et ces produits de dégradation sont encore relativement peu étudiés pour certains composés-là, peu caractérisés. Il y aurait ça à prendre en compte. Puis ça, surtout continuer à tisser les liens là entre la recherche et le gouvernement. Justement, dans le cadre de mon projet, je suis en contact avec des personnes qui travaillent sur le suivi des pesticides en eau de surface, là, OML, CCFP. Et je sais que c'est vraiment une réelle préoccupation et une réelle volonté de tisser plus de liens là, avec la recherche pour mieux prendre en compte les résultats des études et intégrer directement. Donc, plus rapidement aussi, pour faciliter l'utilisation de la science dans la direction des politiques, pour qu'il y ait moins de délais entre les découvertes scientifiques puis leur application. Oui, idéalement, en tout cas, oui, ce serait ça. Puis continuer à améliorer le suivi des pesticides dans les eaux de surface, mais aussi souterraines, là. Ouais. Puis justement, tu fais beaucoup d'efforts pour partager tes recherches avec le grand public, avec les décideurs politiques. Puis, comme je l'ai mentionné en tout début d'entrevue, tu as parti une boîte à chansons scientifiques. Qu'est-ce qui t'a amené à chanter ta recherche? Oui. depuis que je suis petite, j'aime bien chanter, gratouiller un peu de la guitare, mais vraiment juste pour le fun. Et je pense qu'il y a 2 ans, il y a le comité étudiant d'un regroupement dont je fais partie, donc qui est le Centre de recherche en écotoxicologie de Québec, le regroupement Écotoc, le comité étudiant organisait un concours de vulgarisation pour les étudiants, puis en jasant avec une très bonne amie qui s'occupait justement de ce concours, elle me disait ça serait cool si tu présentais de quoi. Et donc au début, j'étais pas motivée, puis en fait à force de parler ensemble, on se dit mais ça pourrait être peut-être chouette de chanter, c'est ça mon projet de recherche, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur mon projet de recherche en chanson, et ça m'a vraiment donné le goût de continuer. Et c'est là où j'ai été très soutenue par mes directeurs éco-directeurs de recherche là, et aussi par ce regroupement Écotoc qui m'a vraiment qui soutient les étudiants à faire de la communication scientifique, et grâce à Écotoc, j'ai pu poser un dossier de candidature donc pour la bourse Dialogue Relève étudiants, qui vise à donner des octrois pour réaliser des projets en communication scientifique. Et c'est comme ça que j'ai parti donc la boîte à chansons scientifiques ou Science Music Box. Wow, génial. Ben justement, on va écouter un petit extrait musical d'une chanson en anglais que tu as composée sur tes recherches qui t'a fait remporter un prix justement en vulgarisation scientifique. On va écouter ça à l'instant pour quelques secondes. Step one, we say we need to talk, they walk. We say sit down, it's just to talk. Reverse or dying quietly. Governments are moving blindly. Bulletins everywhere to your right. Biodiversity that is no longer right. Between frustration and face, you begin to wonder why you search. Where did we go wrong? We lose the earth. You beg to save it before regrets. Maybe your days and nights or work are useless, but you hope you help on how to save life. Let them know that you know best, 'cause after all... Vraiment excellent, Laura. Félicitations pour ça. Merci beaucoup. Donc, on va se laisser là-dessus sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Laura, de ta participation à l'émission Futur Simple. Laura Malbezin, qui est doctorante en écotoxicologie à l'Institut national de la recherche scientifique. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Puis c'est le moment de faire une pause sur CKRL 89.1. Et Futur Simple vous revient pour parler du récent rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat au sujet des changements climatiques, avec Andreas Flora. Ah, puis à la pause, je tiens à spécifier, on va justement écouter une chanson de Laura Malbezin qui va parler des abeilles, mais cette fois-ci en français. Je suis, je ne sais même plus, je crois, je me suis perdue. Je volais à côté des champs, de fleurs en fleurs, butinant. Je pollinise toutes les plantes, même les cultures, l'écosystème, je perds mes futurs. Jusqu'à ce que je reçoive plein de pesticides sur moi. Est-ce que vous êtes déjà senti embrouillé, comme si vous veniez d'oublier? Essayez de rentrer, et quand vous y arrivez, vous ne trouvez plus votre reine bien-aimée. En plus, votre ruche vient d'être parasitée. Comment ne pas déprimer? Comment se vivre dans ce monde quand on se fait menacer, notamment par ces composés qui se retrouvent mélangés? Comment se vivre avec ces polluants, les pathogènes présents, le climat si changeant, les stress sont importants? Comment se vivre dans ce monde quand nos populations se voient tout simplement décimées? Quand j'arrive enfin à entrer, les pesticides constellés, la nourriture, ils vont contaminer, en nous vont s'accumuler. Malgré nos systèmes de défense, sur nos microbiotes, il y a des conséquences. Les bactéries, comme pour les humains, sont en nous et nous permettent de tenir debout. Mais c'est jusqu'à ce qu'on reçoit plein de pesticides sur soi. Est-ce que vous vous êtes déjà senti embrouillé, comme si vous veniez d'oublier ce que vous faisiez? Pris de tremblement, vous ne savez plus où aller, vous n'êtes plus coordonné. De la difficulté quand vous essayez de rentrer, et quand vous y arrivez, vous ne trouvez plus votre reine bien-aimée. Votre ruche vient d'être parasitée. Comment ne pas déprimer? Comment survivre dans ce monde quand on se fait menacer, notamment par ces composés qui se retrouvent mélangés? Comment survivre avec ces polluants, les pathogènes présents, le climat si changeant, les stress trop importants? Comment survivre dans ce monde quand nos Merci. Vous avez...